vodka, MSD, l'armature. Pas un intello de ce monde, j'passe du thé au bourbon. Transforme ma déprime en art comme l'a fait Thelonious Monk. Tu veux du vrai morbide, okay. Viens dans le 18, les schlacs buteraient leurs filles pour de la buprénorphine. On traîne dans ces soirées où y'a que l'alcool, que les poméranimes. Tu veux le panorama de ma vie, regarde, c'est la Poméranie. J'ai pas l'esprit mégalomane de Léonie de Brejnev. Mon existence est marquée par l'hégémonie de l'échec. Ma vie, une partie de château de cartes, c'est ta fille à vodka. Quand l'espoir devient anorexique comme Calista Flocard. J'ai les yeux secs d'Arnaud Catherine, tapez pas dans les charges locatives. Enfin de moi, on maigrit sans anorexie. Strict, y'a des books inefficaces de books inefficaces. Ceux qui spolient notre argent se cachent derrière leur bouclier fiscal. C'est pas nous qui te rendrons ton tempérament euphorique. Mais tu restes à l'affût de nos sons, tant le peur à manque de bonnes rimes. J'ai le cul sur ma chaise, mais y'a pas de leitmotiv. J'vois la vie en noir et blanc comme un camé gothique. Faut des années cotises, ce n'est qu'anecdotique. On fume et boit avant de quitter cette planète maudite. J'ai le cul sur ma chaise, mais y'a pas de leitmotiv. J'vois la vie en noir et blanc comme un camé gothique. Faut des années cotises, ce n'est qu'anecdotique. On fume et boit avant de quitter cette planète maudite. Dans au parche des gens clans des soirées qui virent au noir. J'décampe, tu risques d'avoir des crampes. Vu le nombre de fois que les gyrophares déclenchent, pour moi y'a rien d'étrange. J'ai pas du son, ton pécho du fric en sous le préau tu dis. Moi j'tape une prod sur la PO du film entre flics et guédro. Notre quoi dévoile que des scènes peu banales. On graille dans des restos, comme moins d'étoiles que le ciel de Paname. Certains n'ont pas de talent, ont des vues, se traînent pour les patrons. Mais le rap c'est comme la bulle, pour que ça roule il faut faire un carton. Marre de leur comme des merdes, comprise le beat comme déjà comme de la fond. Donc on débarque des terres sur des thèmes classiques à la zig, je la vote, je la fronte. À chaque seconde, je me dis qu'il faut que je profite avant d'être vieux. Mais je vis dans ce monde où les barrettes sont sous les couilles, pas dans les cheveux. Où notre jeunesse voudrait parler d'amour, mais se fait cocu en bois. T'inquiète, aucune angoisse, car quand on rate tous les concurrents boîte, on t'apporte un bol d'air. Taf ta vodka, c'est ça le tandem. Une vie de rappeur n'est qu'un tissu de mensonge, pour ça que je vais pas dans la dentelle. J'ai le cul sur ma chaise, mais y'a pas de leitmotiv. Je vois la vie en noir et blanc comme un camé gothique. Faut des années cotises, ce n'est qu'anecdotique. On fume et boit avant de quitter cette planète maudite. J'ai le cul sur ma chaise, mais y'a pas de leitmotiv. Je vois la vie en noir et blanc comme un camé gothique. Faut des années cotises, ce n'est qu'anecdotique. On fume et boit avant de quitter cette planète maudite.